بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc dans le tafsir de Surat al-Furqan, on était arrivé, on avait vu hier donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, bel kadhabu bis-sa'a wa a'tadna liman kadhaba bis-sa'ati sa'ira. Mais ils ont traité l'heure de mensonge, ou ils ont crié au mensonge concernant l'heure, la résurrection. Et certes, nous avons préparé un feu pour tous ceux qui ont traité l'heure de mensonge, pour tous ceux qui ont rejeté la résurrection. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Iza ra'athum min makanin ba'id, sami'u laha taghayyudan wa zafira » Et lorsque celle-ci, donc la fournaise, le feu, lorsque celle-ci les voit d'un endroit lointain, alors ils y entendront une fureur, ainsi qu'un soupirement. Et donc l'enfer voit, lorsque l'enfer verra ces gens-là, par rage, la fureur va s'entendre de celle-ci. وَإِذَا أُلْكُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Et lorsqu'ils seront jetés dans un endroit réduit, restreint, مُقَرَّنِينَ, attachés les mains derrière le cou, alors à ce moment-là, ils crieront, ils appelleront à leur destruction. Les savants du tafsir, ils nous disent ici que dans cet endroit, il y a trois éléments rassemblés. Premièrement, ils sont dans un endroit qui est restreint, réduit. Deuxièmement, ils sont attachés. Et troisièmement, ils sont nombreux. Et donc, ils sont dans un endroit réduit, nombreux et attachés. La yataharrakoun, il dit Ibn Kathir, rahimahullah. Ils ne bougent pas, ils ne peuvent pas bouger. Ils sont dans une situation difficile. Et à ce moment-là, ils crieront, ils appelleront à leur destruction. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « La tad'u al-yawma thuburan wahida, wad'u thuburan kathira » N'appelez pas une fois votre destruction, mais appelez beaucoup, invoquez beaucoup pour votre destruction. Donc ces gens, ils préfèrent mourir, ils préfèrent la mort, tellement le châtiment est douloureux. Mais ils peuvent invoquer, appeler à la mort, à la destruction, autant qu'ils veulent. Mais cela ne leur sera profitable en rien. « Qul adhalika khayrun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqoon kanat lahum jaza'an wa masira » Dis, est-ce que ceci est mieux ou alors le paradis éternel qui a été promis aux pieux, qui a été promis aux pieux. Alors celui-ci sera pour eux une récompense et une destination. Et donc le paradis éternel a été promis à qui? Al-Muttaqoun. Et ça c'est un point important, barakallahu fikoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Taqillah haythu ma kunt, crains Allah où que tu sois. Al-Muttaqoun, qu'on peut traduire par les pieux, ou ceux qui craignent Allah. Ce qui est voulu ici, ce sont ceux qui vont craindre leur Seigneur, qui vont accomplir leurs obligations en espérant la récompense d'Allah, délaisser les interdits parce qu'ils craignent le châtiment d'Allah. Et cela, où que tu sois, peu importe si tu es en public ou en privé ou autre. Ce paradis, ce jardin éternel a été préparé pour eux. « Lahum fiha ma yasha'un khalidin » Ils auront dans celui-ci, donc dans ce jardin, dans ce paradis, ils auront ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Ils y demeureront éternellement. Et ceci est une promesse de ton Seigneur. Une promesse qui est demandée. Wa'dan mas'oulan, les savants du tafsir, ils nous disent, une promesse qui est demandée, c'est-à-dire que les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala demandent cela. Et Ibn Kathir, il nous dit, ce qui est voulu ici, c'est wa'dan wajiban, une promesse inévitable, une promesse qui va forcément arriver, cette récompense pour les muttaqoun. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ. Et le jour durant lequel ceux-ci seront ressuscités, ainsi que ceux qui les adoraient en dehors d'Allah, ceux-ci, les polythéistes, ainsi que ceux qui les adoraient en dehors d'Allah, alors, il dira, Allah tabaraka wa ta'ala dira, est-ce que c'est vous qui avez égaré mes serviteurs, ou alors c'est eux qui se sont égarés de la voie, ou alors c'est eux qui se sont égarés de la voie. Et donc toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah seront interrogées. Est-ce que c'est vous qui avez égaré mes serviteurs, ou alors c'est eux-mêmes qui se sont égarés de la voie à suivre? Qalu subhanak, ils diront gloire à toi, gloire à toi. C'est-à-dire, tu es bien au-dessus de cela. Nous rejetons tout ce qui ne convient pas à ta grandeur. Mais kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikr wa kanu qauman bura. Il ne convient pas, c'est-à-dire nous ne pouvons pas prendre un allié en dehors de toi. Nous ne pouvons pas adorer autre que toi. Les savants du tafsir, ils nous disent, c'est-à-dire, comment pouvons-nous appeler les gens à nous adorer alors que nous ne pouvons pas prendre un autre allié que toi? Et ça nous rappelle la situation de Isa alayhi salam. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dira « Anta kulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahini min dunillah » Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère comme divinité en dehors d'Allah »« Qala subhanak » Il dira « Gloire à toi »« Ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq » Il ne convient pas que je dise ce que je n'ai pas le droit de dire. « In kultu kultuhu faqad alimta » Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce que tu détiens. Innaka anta allamul ghuyub. Tu es certes celui qui connaît parfaitement l'invisible. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de le dire. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Voilà la parole de Isa alayhi salam. Comment pouvons-nous appeler les gens à adorer autre qu'Allah, ou comment pouvons-nous appeler les gens à nous adorer alors que nous-mêmes nous t'adorons? Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on débat avec les chrétiens, on leur dit, mais est-ce que Isa s'est prosterné? Puisque dans la Bible, c'est cité que Jésus s'est prosterné avant la crucifixion. Alors tu demandes, est-ce qu'il s'est prosterné? Il va te dire oui. Est-ce qu'il a invoqué son Seigneur? Il va te dire oui. Et donc, pourquoi tu vas invoquer autre que son Seigneur? Pourquoi tu vas l'invoquer lui alors que lui-même s'est prosterné pour son Seigneur? Et donc ça, c'est important. Et ensuite, il continue, Allah tabaraka wa ta'ala, à citer leurs paroles, c'est-à-dire les paroles de ceux qui sont adorer ceux qui sont divinisés en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui sont interrogés, et qui expliquent qu'ils ne peuvent pas appeler les gens à adorer autre qu'Allah. Ils disent ensuite, « Walakin matta'tahum wa aba'ahum. » Cependant, tu les as comblés de tes bienfaits, eux ainsi que leurs parents. Tu leur as accordé des richesses, longue vie, la dunya. « Hatta nasu dhikr » jusqu'à ce qu'ils oublient, qu'ils délaissent leur appel. « Fashtaralu bidunya ani dhikr » ils se sont occupés de la dunya en délaissant leur appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une cause qui les a poussés à délaisser la voie de rectitude. Le fait de s'occuper de la dunya en délaissant leur appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme ça arrive souvent. Ah, je dois travailler. Ah, si, ah, ça. On n'arrive pas à apprendre notre religion. Pourquoi ? Ad-dunya. Ad-dunya. Wa kanu qawman boura. Al-bour, ils nous disent les savants, c'est al-kassad. Le fait d'être inactif, de ne rien faire de bien. C'est pour ça que les savants nous disent ce qui est voulu ici. Donc, et en plus de s'être occupé de la dunya et d'avoir délaissé leur appel, ce sont des gens dont il n'y a aucun bien en eux. Ils ne cherchent pas à faire le bien. Il n'y a aucun bien en eux. Voilà ce qui leur a mené à leur perte. فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Et donc, ils ont traité ce que vous dites de mensonge. Allah tabaraka wa ta'ala qui s'adresse aux polythéistes. Vous dites que ces divinités, ces fausses divinités vous ont appelé à les adorer. Mais ces fausses divinités traitent votre parole de mensonge. Ils disent qu'ils ne l'ont pas fait. Et on voit donc ici, barakallahu fikoum, le fait que ces fausses divinités se désavouent totalement de ceux qui les adorent. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, dans un autre verset, il dit même wa kanu lahum a'da', et ils seront leurs ennemis. Ils seront leurs ennemis. Et donc à ce moment-là, vous ne pouvez rejeter le châtiment. Vous ne pouvez repousser le châtiment. Et vous ne pouvez vous secourir. Et celui d'entre vous qui est injuste, les savants du tafsir, ils nous disent, celui d'entre vous qui fait du polythéisme. L'injustice, le polythéisme. Celui d'entre vous qui est injuste, alors nous le ferons goûter un châtiment douloureux. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans qu'il mange de la nourriture et qu'ils se déplacent dans les marchés. On a vu hier que justement ces gens-là, ils ont inventé une règle. Ils disent que donc, selon leurs règles, selon leurs principes, un messager ne peut pas manger de la nourriture et se déplacer dans les marchés. Allah tabaraka wa ta'ala répond à cela, à ce mensonge, à cette règle inventée. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans qu'il mange de la nourriture et qu'il se déplace dans les marchés. Et cela ne contredit pas, n'a pas contredit les prophéties. Et certes, nous avons fait de vous, et certes, nous avons fait que les uns soient pour les autres une fitna. Etasbiroun. Allez-vous endurer, allez-vous patienter. Allez-vous patienter. Et donc ici, ces gens-là, en réalité, ce qu'ils disaient, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est pauvre. Il a besoin de se déplacer dans les marchés pour commercer, afin de pouvoir se nourrir. Et il a besoin d'aller dans les marchés pour chercher sa nourriture. S'il était riche, il ne serait pas allé lui-même, mais il aurait envoyé un servant. Et donc, pour eux, vu que tu es pauvre, on ne peut pas te suivre. Tu ne peux pas être un prophète vu que tu es pauvre. Et donc, la richesse et la pauvreté, barakallahu fikoum, sont une fitna, une épreuve. Allah tabaraka wa ta'ala nous éprouve par la richesse et par la pauvreté. Allons-nous endurer, allons-nous patienter? Les riches ou les pauvres, les deux sont éprouvés. Tous sont éprouvés. Mais aussi, nous sommes éprouvés par les agissements des autres. Ceux qui veulent nous pousser à délaisser notre religion, à nous éloigner de la vérité, à nous éloigner de la sunna. Etasbiroun, allez-vous endurer, allez-vous patienter? Rester sur la vérité fermement ou alors fléchir? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et certes, ton Seigneur est clairvoyant. Il voit clairement ceux qui méritent la guider et ceux qui ne la méritent pas. Il voit clairement qui sont parmi ses serviteurs ceux qui méritent la prophétie. Et donc les êtres humains n'ont pas à s'opposer à cela. Ce n'est pas à nous de choisir qui peut être prophète et qui ne peut pas être prophète. Allah tabaraka wa ta'ala connaît clairement, connaît parfaitement ses serviteurs. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Et ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, ils n'espèrent pas nous rencontrer, ils n'y croient pas. Ils ont dit, si seulement des anges étaient descendus sur nous, et si seulement nous pouvions voir notre Seigneur. Et donc ils veulent que les anges descendent sur eux, ils veulent voir leur Seigneur. Nous aussi on veut la prophétie. Nous aussi on veut la prophétie. Allah tabaraka wa ta'ala qui répond à cela, « Les kodis takbaru fi anfusihim » Ils furent pris d'orgueil concernant leur propre personne. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour vous opposer au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala qui choisit qui il veut parmi les prophètes et messagers? Qui êtes-vous pour vous opposer et à demander que les anges descendent sur vous? Qui êtes-vous pour vous opposer et à demander à voir Allah? Et donc ils ne connaissent pas leur position, ils ne connaissent pas leur rang. Il est important que chacun reste à sa place. Et certes, ils ont transgressé, dévié et furent pris d'une grande dureté. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ. Mais le jour durant lequel ils verront les anges, ils demandent à voir les anges maintenant, mais le jour durant lequel ils verront les anges, alors il n'y aura pas de bonnes nouvelles annoncées aux criminels. Il n'y aura pas de bonnes nouvelles faites aux criminels. Les anges ne vont pas venir avec une bonne nouvelle pour eux. Lorsque les anges viennent saisir leurs âmes, ils ne viennent pas avec une bonne nouvelle pour eux. Lorsque les anges viennent dans la tombe, leur demander, mais dis-nous, quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Qui est ton Seigneur? Ils ne viendront pas avec une bonne nouvelle pour eux. Et au jour de la résurrection, ils ne viendront pas avec une bonne nouvelle pour eux. وَيَكُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. C'est-à-dire, ils nous disent les savants du hadith, ils nous disent les savants du tafsir, c'est-à-dire que les anges, ils diront à ces gens-là, ceci est interdit, formellement interdit. Il est formellement interdit de vous annoncer une bonne nouvelle. Il vous est forcément interdit d'avoir une bonne nouvelle. Il vous est forcément interdit d'avoir le bonheur. Il vous est forcément interdit d'entrer au paradis. Voilà ce qu'ils auront ce jour-là quand ils verront les anges, quand ils verront ce qu'ils ont demandé. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Alors, les œuvres qu'ils ont accomplies, mais quelles œuvres? Les péchés, les mauvaises actions? Non, ce qui est voulu ici, ce sont les œuvres qui, selon eux, c'étaient des bonnes œuvres, de bonnes actions qui les rapprochaient de leur Seigneur. La prière, la salat, le jeûne, l'invocation ou autre. Et nous avons fait de toutes ces œuvres, nous avons fait d'elles qu'elles soient comme de la poussière éparpillée, du vent, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la vérité. Ils n'ont pas eu l'ikhlas, le monothéisme pur. Ils n'ont pas suivi la voie des prophètes. Et donc ils se sont fatigués à accomplir des œuvres, d'où l'importance d'apprendre la voie des prophètes, d'apprendre la salafia et de ne pas ressembler aux autres communautés comme les chrétiens qui se fatiguent dans l'adoration. J'ai voyagé, j'étais en Martinique il y a quelque temps, un peu, le jour de mon voyage. Je me dirige à l'aéroport et je vois quoi? Un concert chrétien. La rue pleine. Ils sont là en sueur en train de chanter « Jésus va nous sauver » et ils se fatiguent toute la journée, la nuit. Une fois, je sortais de la mosquée de Fort-de-France. J'avançais avec ma voiture et là, j'étais obligé de m'arrêter. Une foule, des gens qui couraient. Un séminaire dans un temple adventiste. J'ai vu l'affiche séminaire une semaine. Ils sont là à se fatiguer, à s'efforcer. Haba'an manthura. Une poussière éparpillée. Poussière éparpillée. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on suive les recommandations de notre Seigneur. Tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu fais ce que ton Seigneur veut de toi. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Les gens du paradis, ce jour-là, ils auront une meilleure demeure et un meilleur répit, un meilleur repos. Les gens du paradis, ils auront un repos, ils auront du repos, les gens de l'enfer, du moins. Les gens de l'enfer auront du repos, ils n'auront pas de répit. Mais ici, il est important de comprendre que dans la langue arabe, on peut utiliser cette formule. C'est-à-dire que tu peux dire que ceci est meilleur que cela, même si lorsque tu parles de l'autre chose n'a aucun des éléments que tu as cités. Et ici, on a un exemple de cela. Les gens de l'enfer n'auront aucun répit, ils n'auront pas de répit. Mais tu peux dire dans la langue arabe, donc, et les gens du paradis auront un meilleur répit. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Le jour durant lequel le ciel se fendra avec les nuages et qu'on descendra les anges. Subhanallah, les anges, malgré leur grand nombre, malgré leur force, ils ne descendent pas d'eux-mêmes. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui les fait descendre. Ils sont soumis à leur Seigneur. On fera descendre les anges, la royauté, ce jour-là, appartiendra à Allah tabaraka wa ta'ala. La réelle royauté sera pour Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Personne ne jugera en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y aura plus de roi. Ils seront tous égaux, tous au même rang et seront jugés en fonction de leurs agissements. Et ce jour-là sera un jour difficile pour les incroyants. Les savants du tafsir, ils nous disent, on comprend de ce verset qu'il ne sera pas difficile pour les croyants. On comprend de ce verset que le jour de la résurrection ne sera pas difficile pour les croyants, mais que leur situation sera facilitée. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَكُولُ يَا لِيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Et le jour durant lequel l'injuste se mordra les doigts. Et ici, textuellement, il se mordra les deux mains. Et il dira, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami rapproché. Un tel, ils nous disent les savants, parmi les shayatin el djinn wal ins, qui a pris un tel parmi les shayatin el djinn ou el ins, parmi les êtres humains qui l'appelaient à la transgression. Tu l'as pris comme ami rapproché, alors que celui-ci t'appelle à la transgression, à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Yawm al-Qiyam, elle dira, si seulement, mais c'est trop tard. Oh malheur à moi, Yahweh Lata Laitani, oh malheur à moi, si seulement j'avais pris la voix du messager. Subhanallah. Ya ikhwa, barakallahu fikum. Nous sommes ici dans une demeure, la demeure des œuvres. C'est le moment pour agir. Après, il sera trop tard. C'est le moment pour suivre la voix du messager. Après, il sera trop tard. Ya Leitani ne te servira à rien. Si seulement ne te servira à rien. C'est maintenant qu'il faut œuvrer. C'est maintenant qu'il faut délaisser tous ceux qui t'amènent à la transgression, à désobéir à ton Seigneur. Le kod edolleni ani dhikri ba'de izjeeni wa kena shaytanu lil insani khadula. Subhanallah. Certes, il m'a égaré du rappel après que celui-ci fût venu à moi. Et donc la personne qui continue en disant, certes, cet ami rapproché m'a égaré du rappel après que celui-ci m'est parvenu. Et certes, le shaitan, et c'est là qu'on voit, c'est pour ça que les savants ils nous disent que cette personne a suivi une personne, quelqu'un qui fait partie des shayatin. Et donc cette personne qu'il appelle à transgresser, cette personne qu'il appelle à désobéir à son Seigneur, œuvre dans le sentier du shaitan. Souvent, on oublie ça. On pense que les shayatins, c'est que des djinns. Et on oublie qu'il y a aussi des êtres humains qui appellent les gens à suivre le sentier du diable. Et pourtant, on le lit tous dans Surat An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس contre le mal de الوسواس الخناس celui qui va beaucoup insuffler il va beaucoup insuffler lorsque tu ne te protèges pas lorsque tu ne suis pas la voie que tu dois suivre et celui qui va beaucoup reculer الخناس celui qui va beaucoup reculer, beaucoup te laisser, lorsque tu implores la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu suis la voie que tu dois suivre. Min al jinnati wan nas, parmi les djinns et les hommes. Et souvent on oublie. Ouais, mais c'est mon sahab, c'est mon ami, on a grandi ensemble, etc., etc., etc. Il t'appelle à la transgression, il t'appelle au feu. Oui, mais je veux son bien. Oui, oui, c'est bien que tu veuilles ça guider. Oui, fais les causes. Mais là, lorsque tu le fréquentes comme cela, c'est lui qui a un impact sur toi. Plus que toi, tu as un impact sur lui. وَكَنَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَ Et certes, le shaytan trahit beaucoup l'être humain. الخذلان Les savants du tafsir, ils nous disent ce qui est voulu ici, c'est le fait que le shaytan, il va embellir le fou. Il va embellir le faux et enlaidir la vérité. Embellir le faux et enlaidir la vérité. Et après cela, idha qudi al-amr, lorsque viendra le moment où chacun devra être jugé, Shaitan va délaisser la personne. C'est lui qui t'a appelé à faire ce que tu fais. Et ensuite, il te délaisse. Et ceux qui sont compagnons dans le péché et dans la transgression, ça sera pareil. Hein? Ton sahab, ton ami qui t'appelle à transgresser, qui t'appelle à faire des soirées dans le péché. Yawm al-Qiyama, tu penses qu'il sera toujours ton ami? Yawm al-Qiyama, il va se désavouer de toi. Il va se désavouer de toi. Ils seront ennemis, chacun pour soi. Chacun pour soi. Ici-bas, les jeunes, les délinquants, lorsqu'ils sont face à la police, ils ont leur fameux principe. On ne balance jamais nos frères. Yaoum al-Qiyama, ça n'existe plus, ça. Chacun pour soi. Là, ce n'est pas la prison, là, c'est le feu. Chacun pour soi. Arrête de me parler de ton copain, etc. C'est mon ami, mais je veux. Yaoum al-Qiyama, ça sera chacun pour soi. Il n'y aura pas histoire d'amitié. Et donc, il faut qu'on fasse attention à nos fréquentations. Barakallahu fikoum. Et ici, j'aborde des sujets lorsque je parle de délinquance. On parle des péchés. On n'a pas encore parlé des ambiguïtés, des bidats qui sont pires. Fréquenter des gens qui t'appellent à l'innovation, fréquenter des gens qui t'appellent à insulter les ulémas, fréquenter des gens qui t'appellent à la haine et la division. J'étais choqué de la parole d'un frère une fois. Ouais, il est dans la mauvaise position, mais je l'aime bien. Tu dis, attends. Répète s'il te plaît, il y a eu un bug. Il est dans la mauvaise position, mais qu'est-ce qui se passe, Yanni? Tu l'aimes bien parce qu'il insulte le ulama? Tu l'aimes bien parce qu'il divise la communauté? Tu l'aimes bien pourquoi tu l'aimes bien? Et donc, il faut qu'on fasse attention à nos fréquentations. Et aussi, il faut qu'on fasse attention à ceux chez qui on va étudier. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Et le prophète a dit, certains savants du tafsir, ils disent, ce qui est voulu, c'est le prophète dira. Au jour de la résurrection. Mais la majorité, ils disent, mais le prophète a dit. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ici, il nous cite quelque chose qui s'est passé. Et le prophète a dit, ô Seigneur, mon peuple a pris ce livre comme objet délaissé. Le Coran. Ils ont pris le Coran comme objet délaissé. Il n'a pas dit, mon peuple, ils ont délaissé ce livre. Il n'a pas dit « ils ont délaissé ce livre ». Ils l'ont pris comme objet délaissé. Hein? On prend le Coran, on le met « ah, celui-là, il est beau, celui-là en noir ou en vert ou en jaune ». Comme ça, je le mets là-bas dans le placard. Ah, machin là, ça fait classe. Ça fait classe comme ça. Il y en a ce qu'ils m'ont dit que, subhanallah, dans certains pays, si tu ne veux pas que dans certains quartiers, si tu ne veux pas que certains braquent ta voiture ou autre, tu mets le mushaf dedans. Comme ça, ils voient que c'est un musulman, il y a le mushaf dedans, ils ne vont pas braquer la voiture. Hein? Exactement, voilà. Et donc, ils ne vont pas braquer ta voiture. Voilà, le Coran, ils l'ont pris comme objet délaissé. Ou pareil, les récitateurs. Ah, j'aime bien tel récitateur. Sa voix, etc. Et on est là en train d'écouter le Coran pendant qu'on fait le ménage. Hein, avec l'aspirateur à fond. Et tu vas me dire que tu es en train d'écouter le Coran. C'est un fond, c'est quoi ça? C'est une ambiance, tu aimes bien un bruit de fond comme ça? Ou le Coran, tu le mets pour méditer? Le Coran, on le lit, on l'écoute pour méditer. Ce n'est pas un bruit de fond. Ce n'est pas un objet de décoration. Rentrez pleinement dans la religion. Suivez la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Et c'est ainsi que nous avons accordé à chaque prophète des ennemis parmi les criminels. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il appelait les gens à l'islam, il appelait les gens à la vérité. Et les koufars de Quraysh s'opposaient à cela. Ils ne voulaient pas que les gens ils entendent le Coran. Ils fermaient la porte à cela. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il rassure son prophète. L'épreuve dans laquelle tu es, tous les messagers sont passés par là. Nous avons accordé à chaque messager des ennemis parmi les criminels. Mais ton Seigneur suffit comme guide. C'est-à-dire que malgré les efforts que les politistes vont faire pour empêcher aux gens d'arriver à la vérité, pour empêcher aux gens d'arriver à la salafia, Allah suffit comme guide. Ça fait depuis des années qu'on entend dans les médias, salafi, salafi, salafi, salafi. Ça empêche aux gens de rentrer dans la salafia? Non, Allah suffit comme guide, il guide qui il veut. Vous pouvez faire les efforts que vous voulez pour éteindre la lumière d'Allah. Allah guide qui il veut. Peu importe ce que vous faites comme effort, pour éteindre sa lumière, tabaraka wa ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on reprend demain, bi'idnillah, wafakallahu jami'a lima yuhibbuhu wa arda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jazakumullahu khairan.